Audiomatique. Yo llevo el viento, la serenata. ce qui entamait la transmission 099 d'Audiomatic était une pièce de Chancha Via Circuito, la pièce Quime Nyoken, une pièce originalement composée par l'artiste argentin de musique folk qui se nomme José Larralde. En fait, Chancha Via Circuito nous offrait une réinterprétation de cette chanson, une pièce originale qu'on peut trouver sur l'album Cantar de José Larralde. Et la version que nous offre Chancha Via Circuito paraît sur l'album Rio Arriba. Bienvenue à Audiomatic avec les électronistes qui, pour la prochaine heure, seront vos guides à travers une programmation dédiée à la musique électronique. Notre profil facebook.com/audiomaticcfou est le site à consulter si vous désirez avoir accès à toutes nos anciennes transmissions disponibles en balado-diffusion. Alors, le prochain segment musical sera amorcé à l'instant par le groupe Lacuna. I'm Audiomatique, l'entité musicale qui venait conclure cette séquence était le duo bristolien Staircase, formé de Paul Crossman et d'Alex Watson. Ils nous interprétaient la pièce Aishiteru, qui veut dire « Je t'aime » en japonais, et qui est tirée de leur premier album « First Floor ». Et nous pouvions entendre tout juste avant le groupe américain Lacuna, mené par David Narciso, le batteur de la formation Throwing Muses, qui est accompagné au sein de Lacuna par plusieurs musiciens invités, soit son épouse Melissa Narciso, Frank Garner, Tom Gorman du groupe Belly et ses anciens comparses de Throwing Muses, Bernard Georges et Kristen Hirsch. De Lacuna, on avait droit à la pièce de Veil de leur premier album Castle of Crime, paru en 1999. Allons-y maintenant avec le projet chilien Lata et la pièce La Luna Me Vino a Buscar, une pièce qui met à contribution la chanteuse Nea Ducci. Me abro, conecto. écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à CIFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU. À Trois-Rivières, c'est 89.1. Tout juste avant la publicité, nous entendions à Audiomatique le projet Barda, qui est en fait un projet argentin. Nous écoutions la pièce Nudo de un Arbol, tirée de l'album Gruta. Sur cette pièce était mise à contribution la voix de la chanteuse Sol Wenceslada de Oliveira. Auparavant, c'était l'artiste Fernando Corona et son projet Murkoff. La pièce que nous avons entendue, soit Mapa, paraît sur son premier album intitulé Martes, qui est paru en 2002. Et avant Murkoff, la séquence de trois pièces débutait avec le projet chilien Lata. La pièce que nous entendions, La Luna me vino a buscar, mettait à contribution la chanteuse Nea Ducci, et cette pièce paraît sur l'album Tres Cuatro. Retournons en musique sans plus s'attarder avec cette fois le duo londonien Swayzak. Tragic Faro, I love it. Thank you.

Audiomatique. Il s'agissait du groupe originaire de Détroit, The Final Cut, mené par Anthony Schrock, qui collaborait à l'époque avec Jeff Mills et explorait une musique influencée davantage par la house et la techno. Après le départ de Jeff Mills, Anthony Schrock s'est associé avec Joseph Lafata. Pour leur deuxième album, Consumed, ils ont collaboré avec Chris Connolly et William Tucker, qui ont déjà été membres de Ministry. Cette collaboration les a amenés vers un son un peu plus industriel. Nous terminions donc ce bloc avec leur composition UFOTM qui ouvre l'album Consumed. Et en premier lieu, nous écoutions Swayzak, duo anglais formé en 1993 par James S. Taylor et David Brown, qui depuis 2011 est le seul membre de Swayzak. Il nous présentait la chanson Sob One, sur laquelle participe Claire Dietrich. Cette pièce est extraite du troisième album de Swayzak, Dirty Dancing, paru en 2002. Nous conclurons cette transmission 099 d'Audiomatique avec le groupe chilien Los Prisioneros, groupe formé en 1983 et qui a exploré plusieurs territoires musicaux liés au New Wave, au punk, au ska et au reggae. De leur album Corazones, paru en 1990, un album qui est considéré comme étant leur plus électropop, nous allons entendre la pièce Tran al Sur. Les électronistes qui sont déjà impatients de vous retrouver mercredi prochain dès 17h pour la transmission 100 d'Audiomatique. Nous vous rappelons de consulter notre profil facebook.com/audiomatique-cfou pour réentendre toutes nos émissions passées. Notre adresse courriel pour nous joindre est simplement audiomatique-cfou@commercial-gmail.com. Voici donc Los Prisioneros et la pièce Tren al Sur. Bonne semaine. en al sur. Tren al sur.